On s'éloigne au bout du monde, mais pourtant dans chaque seconde, tout me guide vers toi. On vole si haut dans le ciel, je tenterai bien d'ouvrir mes ailes pour te retrouver, maman. Je vis, je ris, je plie à ton absence, je suis la vie, là où tout prend sens. Une part de moi sur ce bateau, une part de toi dans mes idéaux. Je te porte en moi, je crois en toi depuis la pluie, tu crois en moi depuis tout petit. Tu as guidé mes pas. Je vis, je ris, je plie à ton absence, je suis la vie, là où tout prend sens.